Chapitre 12. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne t'adviennent les jours mauvais, et avant que ne viennent les années dont tu te diras « Je n'y prends pas plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles ne perdent leur éclat, et que les nuées reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où titubent les gardes du palais, et où fléchissent les hommes vigoureux, où les servantes du moulin cessent de moudre, étant trop peu nombreuses, où les guetteurs derrière les treillis se voilent, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule baisse et s'éteint. C'est le temps où le cri d'un oisillon suffit pour chasser le sommeil, où la voix des chanteurs s'éteint, le temps où l'on redoute la moindre pente et où l'on a peur en chemin. L'amandier a fleuri, la sauterelle devient pesante, la capre même demeure sans effet. Car l'homme va rejoindre sa demeure éternelle et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui avant que ne se rompe le fil d'argent, que ne se brise la coupe d'or et que la jarre ne se casse à la source, que la poulie brisée ne tombe dans le puits, que la poussière ne retourne à la terre d'où elle était venue, que le souffle de vie ne remonte vers Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, tout est dérisoire. Non seulement le maître fut un sage, mais il a enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse des vérités. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueils de leurs sentences ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes d'un seul et même berger. Que mon disciple n'y ajoute rien, on peut multiplier les livres sans fin, et le corps se fatigue à force d'études. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises.